AXA, premier assureur des pros. Tu sais ce que c'est un Covido ? Pas moi non plus. Mais ma sœur, elle a un salon d'esthétique et c'est plus technique qu'on croit. Soutenir sa sœur, pour Jordan, ça coule de source. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend. Nos conseillers accompagnent les pros en moyenne pendant 13 ans. AXA, plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr, étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Le skate, c'est une activité certes inspirée du surf, mais qui a réussi à développer une identité propre et qui est devenue une culture. Pour moi, c'était une super école. J'aime pas du tout l'école républicaine, j'étais pas bien là-bas et le skate, ça m'a appris énormément de choses. En fait, ça a changé complètement ma vie. Le fait de se sentir flotter et de n'être plus attaché à rien, ça a à voir beaucoup avec le vertige. Avec des sensations extrêmement grisantes comme ça. Ça devient une drogue assez vite, hein, parce que c'est quasiment immédiat comme drogue. Le skate est l'un des seuls sports qui se pratique comme on s'habille tous les jours. C'est une façon d'appréhender l'existence pour moi. C'est comme marcher, mais en mieux, quoi, parce qu'on roule et qu'on va vite. En fait, on vivait avec. Hein. Ça correspond à peu près à tout ce que j'attends de la vie. Et on faisait ça dans des endroits souvent improbables. Toujours le défi, toujours plus fort, plus vite, plus haut, plus loin. Toujours mieux, toujours innover, toujours créer. C'est ça le skate. Pousser les limites au-delà de la verticale, au-delà de ce qui est possible. Nous arrivions au moins à atteindre 93 km/h sur un pied, en t-shirt et sans protection. Et c'était ça le skate fou. Et nous avions cette folie en nous, cette passion. Et on y croyait. Skate de la rue au JO. Premier épisode, les tontons skateurs, Raphaël Kraft, David Jakubowiez. Ça va ? Oui, oui, impeccable. Tu t'es pas fait mal ? Non, rien. Ma femme, elle me dit... Quand tu skates, on dirait toujours les travaux forcés. Et elle a pas tort, j'aimerais bien être aérien et gracieux, mais bon, chacun son style, hein, c'est difficile de changer. Mais bon. Jean Théris, skater. Le skate, c'est ça aussi, hein, c'est parfois brutal, violent et sans concession. Il y a quelque chose de touchant de vous voir vous casser la figure dans une piscine californienne après le boulot. Il y en a à qui ça fait pitié. Hein. Je pense que c'est une façon de se raccrocher à des sensations qu'on a quand on est enfant ou que souvent on abandonne bien plus précocement parce qu'on rentre dans la vie active, parce que la société attend certaines choses de nous qu'on est censé ou pas censé faire, ou alors on croit qu'elle attend certaines choses. C'est la sensation d'être totalement libre. De ne pas avoir de responsabilité, que le problème le plus urgent qui se pose, c'est de réussir à négocier telle partie du skatepark ou telle figure qu'on fait dedans, et de ne penser qu'à l'instant. Et je vais d'ailleurs passer un coup de balai au fond, parce que si je me prends un caillou sous la roue, c'est terminé. Pas de protège-poignet, j'en ai jamais mis de ma vie parce que je trouve ça assez inconfortable, mais j'ai eu la chance de jamais me casser les poignets, donc tant que je les ai pas cassés, j'en mets pas. Vous vous souvenez de ce Noël 77 ? Comme si c'était hier. J'avais 12 ans, j'avais un copain à l'école qui avait reçu une planche, et donc j'allais en faire chez lui, on était à deux sur sa planche, et évidemment je disais je veux la même. Et ma mère, un jour, en a acheté une, mais deux ou trois mois avant Noël. Et en fait, j'ai su par mon petit frère, qui m'a dit, tu sais, elle t'a acheté un skate et tout, mais faut pas le dire, c'est pour Noël, etc. Bon, une fois où j'étais tout seul chez moi, j'ai fouillé toute la maison, je l'ai trouvé, il était dans un emballage. Donc pendant des jours et des jours, jusqu'à Noël, quand il y avait personne à la maison, je le sortais, je roulais dessus dans l'appartement, je le remettais, je le réemballais, et puis comme ça jusqu'au jour de Noël. Quand je l'ai reçu à Noël, il y avait de la neige fondue dehors, etc. etc. Qu'à cela ne tienne, je suis sorti l'essayer direct en bottes en caoutchouc, en roulant dans l'eau. Et après, ça a été une longue année de croûte aux genoux et aux coudes, et de sortie avec les copains. En fait, tous mes souvenirs d'enfance sont liés au skate. C'était quoi cette planche ? Eh bien, cette planche, je l'ai encore chez moi. C'est une planche en plastique de la marque Rolette. Rolette, c'était une marque de jouets français. Et je m'en souviens très très bien, quand je la vois d'ailleurs, de temps en temps, je me mets debout juste pour voir ce que ça fait. Et il y a ces sensations qui reviennent, parce que c'est des sensations qu'on ne peut pas oublier. Et même quand on ne skate plus, on imagine les sensations qu'on a, par exemple, en voyant telle descente, tel plan incliné, tel trottoir, tel un peu comme un surfeur. S'il regarde les vagues qu'il y a, mais sans être dans l'eau, il va ressentir ce que ça peut lui apporter. Il y en a beaucoup, comme vous, des tontons skateurs de 57 ans qui continuent. En France ? En France, je dois en connaître 3 ou 4, mais de manière générale, non, il n'y en a pas énormément, non. Qu'on appelle l'appartement témoin, qui est une réserve visitable par les publics, où on a regroupé un échantillon, disons, des collections du MUCEM. Justine Bobotte, conservatrice au MUCEM à Marseille. Je vous emmène directement à l'endroit où il y a les skates. Cette collection, elle a été constituée dans les années 90 par deux ethnologues, Claire Calogiroux et Marc Touché. Et à l'époque, ces deux ethnologues, ils s'intéressaient notamment à la rue et aux sociabilités urbaines, et puis à la jeunesse. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils ont commencé à s'intéresser, au début des années 90, au skate. Je vous montre un aperçu de la collection. Alors, on a avec nous Claude Kerel, qui est un historien amateur du skateboard, c'est ça, Claude ? Je suis un pratiquant qui s'intéresse à sa pratique. Et vous faites ça à travers un site internet qui s'appelle Endless Line, endlessline.free.fr. Vous avez scanné l'ensemble de la presse spécialisée depuis les années 60. Ouais, c'est ça. Donc votre document historiographique le plus ancien, c'est un numéro du 12 mai 1966 du magazine Pilote. Qui dit « Le roll surf, une planche fixée sur quatre roulettes et pivotant selon un axe longitudinal, voilà l'engin. » Il est où cet engin dans votre collection ? On va peut-être suivre Justine pour remonter aux années 60. Des planches qu'on dirait archaïques, en grandes roues métalliques, qui ne sont pas encore tout à fait des skateboards ou des planches à roulettes. Et puis on a aussi de l'autre côté, il me semble, les petites planches roller derby que tu connais bien aussi, Claude. J'en vois une là, par exemple. Ah, voilà, est-ce qu'il faut des gants pour oui, toucher les skates au MUCEM ? Claude, vous pouvez nous décrire ce que l'on voit là ? Alors, ce que l'on voit là, ça peut s'apparenter autant à un skateboard qu'à une caisse à savon. Vraisemblablement, on n'était pas debout lorsqu'on était sur ces engins-là. On était plutôt assis ou accroupi. On a des témoignages de beaucoup de ce type d'engins qui sont proches des jouets dès les années 30, en fait. Parce que la particularité du skateboard qui apparaît en Californie dans les années 50, c'est qu'on ne sait pas qui l'a inventé. Non. Et on ne le saura jamais. C'est J'ai lu par exemple une infirmière américaine qui, lors du débarquement, arrive à Paris et elle voit des enfants qui dévalent les rues de Montmartre debout sur ce genre d'engin. On ne peut pas l'acter complètement comme étant le skateboard tel qu'on le connaît, quoi. Alors, à partir de quand cela devient-il le skateboard tel qu'on le connaît ? À la fin des années 50, il y a un fabricant américain qui brevette plus ou moins le skateboard et la production vraiment arrive au début des années 60. Sur le modèle de ce que faisaient beaucoup d'enfants là aussi, c'est-à-dire que dans les années 50, on prend des patins à roulettes, on désolidarise une base qu'on cloue sur une planche de bois et c'est un jeu de certains surfeurs ou de certains gamins dans les rues de Chicago ou autre. Et on appelle ça comment ? Alors on appelle ça le sidewalk surfing. Donc sidewalk, c'est le trottoir. Et le trottoir, c'est aussi finalement assez juste par rapport à ce que va devenir le skate. C'est leur premier terrain de jeu, c'est le trottoir avec les obstacles qu'ils rencontrent. Donc c'est vraiment un jouet et il faut que les surfeurs s'intéressent à ça pour que ça devienne autre chose. Donc il y a des marques qui sont déjà implantées dans le surf comme Macaa ou Hobby qui commencent à proposer des objets un peu plus sophistiqués. Notamment, on passe de ces roues en fer à ce qu'on appelle les clay wheels. Les clés, c'est un espèce de mélange plastique, fibre de bois, papier, qui justement permettent de faire des virages un peu plus serrés sans partir en glissade, qui permettent d'absorber plus de relief, de passer sur des gravillons. Et ça, ça va vraiment donner un boom à la pratique. Donc, dans les années 60, les surfeurs s'emparent du skateboard, les jours sans vagues. 1964, les Beach Boys sortent Surfing USA en 64. Surfing USA, ouais. Voilà. Et un an après, Gian and Dean en 65 sortent Sidewalk Surfing. Grab your board and go sidewalk surfing with me. Et là, ben, Brian Wilson, le chanteur des Beach Boys, disait « Tous les USA vont se mettre au surf. Si il y avait l'océan, tout le monde surferait. » Et avec cet objet-là qui arrive, le Sidewalk Surfer, c'est vraiment « Tout le monde va pouvoir accéder au surf. » C'est le premier boom du skateboard dont la vie va évoluer de façon assez sinusoïdale avec des disparitions, des renaissances. Ça dure combien de temps ? Ça dure très peu de temps. Il y a un effondrement en 66-67. Justement, beaucoup de marques qui ont investi là-dedans se trouvent tout d'un coup avec des énormes stocks. Il y a aussi beaucoup d'arrêtés municipaux qui interdisent la pratique. Et bon, le matériel est quand même pas vraiment adapté pour de grosses prouesses, donc ça s'effondre rapidement en 66-67. C'est un peu la conjonction de ça. Mais il y a par exemple deux très beaux films, je dirais. En 65, Roulis Roulant de Claude Jutras, qui s'appelle en anglais Devil's Toy, et Skate Dater. Je crois que c'est Noël Black, le réalisateur, qui sort en 66. C'est un court-métrage, mais qui a le prix du meilleur court-métrage à Cannes. Donc il y a déjà une reconnaissance, on va dire, vers le grand public de ça. Le roulis roulant est une planchette de bois de forme oblongue, d'une longueur d'environ 2 pieds. Elle est munie par-dessous de 2 roulettes qui lui permettent de rouler. D'où son nom, roulis roulant. Mais si on l'observe de face, on constate qu'il s'agit de 2 paires de roulettes ce qui en fait un véhicule à quatre roues. Elles sont montées sur un pivot flexible, ce qui permet au pilote de la machine, si j'ose dire, d'incliner la planchette d'un côté ou de l'autre, selon qu'il veut tourner à gauche ou à droite. On dispose de ce système de frein rudimentaire, mais on pratique de préférence le débarquement d'urgence. On skate beaucoup pieds nus à ce moment-là sur les engins, parce qu'on a aussi une meilleure préhension de la planche. Et on saute des trottoirs, on monte des trottoirs, on fait beaucoup de figures déjà, sont en germe dans ces films-là, quoi. Donc le skate disparaît jusqu'à une révolution qui s'appelle l'uréthane, le polyuréthane. Et qu'est-ce que c'est concrètement l'uréthane ? C'est du plastique un petit peu mou. Très souple, on va dire à mémoire de forme, c'est-à-dire que si on l'écrase, il revient. Et ça révolutionne vraiment, vraiment le skateboard. Pour quelle raison ? Ben justement, des questions d'adhérence, c'est que tout d'un coup, on peut faire des virages en tournant dans un mouchoir de poche, on peut aller plus vite, et ça ouvre aussi d'autres figures, d'autres terrains accessibles. On peut aller skater dans les, ce qu'on appelle en Californie les ditch, qui sont une sorte de canaux pour contenir de l'eau et qui vont être regardés par les skateurs comme potentiellement intéressants parce que ça leur rappelle sûrement aussi les vagues. Et donc ces roues en uréthane permettent aussi d'aller dans des bétons qui sont un peu plus abrasifs, de tenir sur la pente sans glisser. Donc ça ouvre vraiment plein de terrains. C'est des espaces qu'on connaît tous en Europe par le cinéma. Il y a souvent des courses de voitures. Raphaël Zarka, plasticien et skateur. Enfin, c'est des espaces gigantesques où on sent qu'il y a toute la dynamique de la catastrophe, la puissance d'une crue démentielle qui pourrait descendre ces grands canaux. Et en même temps, la plupart du temps, il ne s'y passe rien. Et c'est des espaces comme ça qui vibrent, qui sont en tension, et qui appelle à l'action, donc l'action d'une moto, d'une voiture, et aussi de cet objet un peu plus modeste qu'est une planche de skate dans les années 70. Ces espaces sont soit en pente, donc on se sert de la pente et on peut en rouler sur les murs qui sont inclinés. Alors pour que ce soit clair, les ditches, ce sont ces canaux, forme oui. De canaux qui existent parce qu'on est dans une géographie, il y a la montagne derrière, il y a l'océan de l'autre côté, il y a le désert en dessous, et il y a la sécheresse et des pluies torrentielles. Donc ce sont des endroits pour canaliser l'eau. Tout à fait, oui. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ce climat, on n'aurait pas fabriqué ces infrastructures. S'il n'y avait pas l'océan en face, on n'aurait pas fait du surf et on n'aurait pas vu que ces grands espaces, les ditches, pouvaient être considérés ou vus comme des vagues pétrifiées. Et donc on n'aurait peut-être pas pensé à utiliser les mêmes mouvements les mouvements des surfeurs à les adapter à ces espaces, à ces vagues pétrifiées-là. Donc les skateurs descendent ces vagues pétrifiées qui vont jusqu'à la mer, et lors des sécheresses, notamment de 1975, 1976, 1977, vont explorer d'autres systèmes hydrauliques, si on peut les appeler comme ça, que sont les piscines californiennes. Oui. Ces piscines à l'architecture très particulière, toutes faites en forme de courbe. Et il y a toute une espèce de vocabulaire des skateurs pour les décrire, celles qui sont en forme d'amibe, de fève, de trous de serrure, etc. Donc que des formes courbes. Pendant un ou plusieurs étés, il est interdit de remplir sa piscine, donc il y en a partout. Et les skateurs y voient des terrains de jeu formidables et commencent à s'entraîner dans ces piscines. Il y a quand même une anecdote que je trouve rigolote, c'est un skateur qui s'appelle Wally Inouye qui décide de se faire des t-shirts siglés Wally Inouye Pulse et il se présente aux propriétaires de piscines comme étant une entreprise pour justement drainer leurs piscines. Et en fait, ça leur donne aussi une connaissance de où sont les piscines et ils reviennent après skater ces piscines-là. On a aussi, mais c'est un peu plus tard, Steve Alba qui lui aussi est complètement dans ce truc des piscines. Il loue des fois un hélicoptère et il va en repérage dans les zones pavillonnaires californiennes pour repérer où sont les piscines pour après y revenir les skater, quoi. Donc ici, on est du côté profond, comme les Américains disent le deep end de ce pool, donc cette piscine. Je pose l'arrière de mon skate sur le bord du coping, donc le bord, et je vais mettre mon poids sur l'avant et descendre directement dedans comme ça. Ça s'appelle dropper. Donc normalement ça doit faire du bruit quand je passe sur le rebord. Ça s'appelle un grind. Voilà. Et bon, pour ceux qui sont forts, ils sautent, ils font des airs par-dessus. Mais bon, ça m'étonnerait que j'y arrive aujourd'hui, mais bon, je vais essayer. Ma première planche à roulettes. Patrick Roult, responsable du pôle haut niveau à l'INSEP, ancien skateur. C'est arrivé par hasard, ça s'appelait pas une planche à roulettes, ça s'appelait un sidewalk surf. Les roues en uréthane n'existaient pas encore. Ah oui, vous êtes vraiment un précurseur. En fait, je ne savais pas que j'étais un précurseur, et je crois que la première fois que je suis monté sur un machin comme ça, c'était en 69. Donc j'étais tout petit. Et personne d'autre n'avait de choses comme ça, donc moi j'ai inventé ma manière de faire. Et quand les roues en uréthane sont arrivées au début des années 70, avec mes économies, j'ai acheté une première planche à roulettes, une relais en plastique avec des roues rouges de couleur jaune, très bananée. Et c'était la première planche à roulettes que je pouvais acheter avec mes économies en 73 ou 74, je pense. Donc si vous avez eu un surf de trottoir en 1969, puis une roulette quelques années plus tard, c'est que vous étiez un enfant qui était peut-être sensible à la Californie. C'est ça qui vous faisait rêver ? Ah, oui, oui. Moi, quand j'étais petit, je voulais être américain pour aller dans la Lune. Hein. Tous les gamins de mon âge, on rêvait de là-bas, de l'autre côté. Moi, j'habitais en Bretagne, donc on voyait la mer, on se disait de l'autre côté, c'est l'Amérique. Et les premiers magazines de skateboard qui arrivent parle de cette sécheresse du début des années 70 aux États-Unis, des piscines, les premiers bowls. Et en fait, on ne voyait que les photos. Et on essayait de reproduire les figures, mais on n'avait pas la dynamique des choses. On ne voyait que des images. Et on essayait d'extrapoler à partir de l'image qu'on voyait les figures que ces jeunes gens aux États-Unis réalisaient. Donc les Wenzel Rummel, les Peggy Hockey, tous ces gens-là... Tony Alva et autres nous ont beaucoup fait rêver, ouais. Et un Jay Adams, par exemple, marque ma génération particulièrement parce que il y a le côté mauvais garçon, il y a le côté local only qui était écrit partout à l'époque. Le localisme. Ouais, ouais, exactement. Et puis cette espèce de tribu qui se construisent sur des spots. Alors on appelle ça des spots. Mais, en fait, ce mot-là, on l'utilise un peu à l'époque, mais j'ai pas forcément énormément, mais bon, sur chaque spot, il y a des petits groupes de gamins, et c'est leur spot. Et les autres n'ont pas à être là. Donc, ça frite aussi un petit peu, parfois, hein, sur ces choses-là. Donc, c'était la Californie. C'était la Californie. Tout le monde se disait, un jour, on ira là-bas. Et puis, il y a eu certains qui ont eu la possibilité, et puis d'autres qui n'ont pas eu la possibilité. Moi, ça aurait pu m'arriver, ma maman a dit non. Spend my days with a woman unkind. Smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind, make a new start. Going to California with an aching in my heart. Comment c'est perçu par les parents, par les institutions, parce que à partir de 1977-1978, on parle de centaines de milliers, voire de millions de pratiquants en France qui envahissent les rues. Alors justement, on s'est intéressé au point de vue des parents. Et on a fait un grand nombre d'interviews de parents pour leur demander ce qu'ils pensaient de cette activité de leurs enfants. Claire Calogiroux, ethnologue. Contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, les parents sont plutôt solidaires de cette pratique parce qu'ils voient que d'abord, comme nous ont dit certains parents, c'est un sport. Quand les enfants rentrent, ils sont épuisés. Ils sont dehors, au lieu de traîner devant la télé. Et donc, ils les soutenaient. Puis il fallait quand même... que les parents puissent contribuer à l'achat du matériel. C'est, bien sûr, il y avait des échanges, il y avait du troc entre eux, mais quand même, ça demandait un petit investissement, d'autant que le skate est fragile. Et puis, justement, c'est pour ça, quand on avait fait la première exposition, on a consacré une vitrine à la famille. Parce que dans ces milieux des années 70, à Poitiers, il y avait la famille Ardoin du Parc, qui était vraiment complètement impliquée dans la pratique du skate, de leurs trois fils, mais plutôt des deux aînés. Et qui ont créé le club de Poitiers, qui organisait des compétitions, qui imprimait toute la documentation, qui la maman fabriquait même des shorts pour ses fils. Elle les tricotait, elle les raccommodait. Et donc voilà, ça donne un exemple. Alors là, un exemple où une implication totale de la famille. Mais même si la famille s'impliquait moins, il y avait quand même un regard qui n'était pas totalement négatif. Alors je parle en général parce que bien sûr. Il y a sûrement des parents qui ne pouvaient pas accepter que leurs enfants fassent du skate ou disparaissent toute une journée sans savoir où ils étaient. Alors à défaut d'aller plein ouest, vous allez à l'est puisque vous prenez votre mobylette en septembre 1977 pour aller... C'est en septembre, je n'ai pas ce souvenir-là, mais c'est dans cette époque-là, on va à l'inauguration de Béton Hurlant. C'est un des premiers skateparks qui est construit sur la Seine, là, sur une île, ici les Moulineaux. Et puis, il y a cette inauguration, nous on en entend parler, on se dit « Ah, c'est formidable !» On ne dit pas trop à nos parents, on fonce, on y va. Et puis, on voulait dormir au camping c'était tellement cher qu'on s'est dit, si on paye le camping, on ne peut plus rentrer. Donc, on plante notre petite tente dans le bois de Boulogne. On ne dort pas bien, parce qu'on n'était pas trop rassurés. Et puis, on va au Trocadéro le matin, de bonne heure, il n'y a personne. On se dit, mais on nous a menti. Parce que nous, on s'attendait à voir plein de monde en faire du skate, parce que le Trocadéro, c'était l'endroit où. Et puis, on va à ce machin-là, il y avait un monde de dingue. On ne peut pas faire de skate, tellement il y avait de monde, c'était compliqué. Et on est rentré. En fait, toute cette époque-là, pour nous, dans cette passion, parce que c'était une passion, c'était assez dévorant, on se déplaçait avec, on en faisait tout le temps, tous les soirs on était dessus, tous les week-ends on était dessus, tous les mercredis on était dessus. Donc on a cherché des piscines, on a cherché des rampes, et on a fabriqué des rampes avec des planches de bois qu'on a récupérées, et on faisait ça dans nos garages avec les copains. Et puis en 76, il y a la grande sécheresse en France. On se dit, ça y est, top, c'est pour nous, c'est la sécheresse, on va vider des piscines et on va faire du skate dans les piscines. Sauf que moi j'habite en Bretagne, il n'y a pas de piscine. Très peu de piscines. Donc on a cherché des piscines. Tout l'été, on a cherché des piscines. Comme des couillons, on a eu du mal à en trouver. Et quand on en trouvait, elles avaient des angles, dans le fond. Qu'est-ce que vous voulez skater une piscine avec un angle? C'est juste impossible. Et puis ça, on passait notre temps à chercher des endroits où, en fait, les services de voirie faisaient l'enrobé et mettaient du bitume bien lisse. Et là, c'était bonheur. Et dès qu'on trouvait une pente suffisamment importante, on utilisait ça, ouais. Quel est le contexte en France? Je lis dans vos archives 1 million de pratiquants, près de 30 000 à Paris. Ouais, les inaugurations de skatepark avec Sylvie Vartan, le showbiz. Ça a été extrêmement massif et regardé aussi comme étant une mode éphémère, comme le hula hoop ou quelque chose qui va être amené à disparaître assez vite. Avec des temples, le Trocadéro notamment. Ouais, on appelle ça la Mecque en France. C'est vraiment les samedis après-midi, c'est noir de monde. Et le Trocadéro, ça devient À un moment donné, ça cristallise pendant peu de temps un boom et une visibilité de la pratique. C'est tout à fait par hasard si j'ai sorti cette coupe, j'étais loin de me douter que vous alliez passer. Voilà, vous voyez, la pauvre est en train de souffrir. Elle est en train, j'essaie de la retaper comme je peux. Voilà, c'était ma première coupe, coupe de la ville de Bayonne. C'était donc champion de France à Bayonne. Et voilà. Là, vous avez dû... Là, oui, vous voyez, je suis là, c'est du magique, ils appellent ça du magique silver. Alors, vous savez, il n'y a rien de magique. Hein. Voilà, c'est... Oui, parce qu'elle est... En habitude, on frotte, sauf qu'à force de frotter, ça ternit, c'est pire que tout. Lorsque j'ai gagné ma première coupe, un mercredi après-midi, quand je me suis retrouvé à Saint-Germain-en-Laye, et je suis rentré chez moi. La coupe Coca-Cola. Coca-Cola, et je suis rentré chez moi, et mon père qui me disait, va rendre à ça à qui tu l'as volé. Et je dis, je n'ai jamais volé aucune coupe. Mais tu avais l'heure qu'il est. Et heureusement que j'avais cette coupe pour me faire pardonner, et j'ai sorti derrière le dos. Et je dis, voilà ce que j'ai fait cet après-midi, avec ma planche. Mais t'es encore faire quoi avec ta planche? Et ben là, voilà, tiens, j'ai posé sur la table, voilà ce que j'étais faire, j'ai gagné ceci. José de Matos, vous êtes un des skateurs français les plus titrés. Quand est-ce que vous êtes monté pour la première fois sur un skateboard et comment ça s'est passé? Alors, le skate est arrivé dans mes pieds tout à fait par hasard. Alors, avant de faire du skate, je faisais du patin en roulette et puis j'adorais faire du freestyle avec. Sauf qu'un jour, par enchantement, une amie de ma mère, parce que j'habitais donc... dans le 16e, rue Passy, et donc elle est venue nous voir en me disant « Voici une planche. Je ne veux plus que mon fils en fasse parce que ses études sont en train de prendre un coup hein, et je préfère que donc pour le punir, je lui enlève la planche. Alors comme je n'ai plus envie qu'il fasse du skate, je vous le donne parce que peut-être votre fils va en fera mieux que lui, peut-être qu'il en trouvera plus d'intérêt que mon fils et c'est nuisible pour lui, dangereux. » Alors c'est quelque chose qui est arrivé dans mes pieds. C'était une kamikaze. Marque kamikaze. Et je ne sais pas, quelque chose est passé, un déclic. Et j'ai pris la planche. Il fallait tout prix, j'allais sur le trottoir. Je suis monté dessus. Et c'est à ce moment-là que, en plaçant un pied devant, un pied derrière, je sentais ce côté de glisse, cette sensation de bien-être, cette sensation de me transporter. Et je me suis laissé emporter, d'abord donc le petit trottoir, sauf que le petit trottoir, au bout d'une heure, eh bien, il avait fini sur les pentes du Trocadéro. Qu'est-ce que vos parents faisaient dans le 16e arrondissement? Alors, mes parents étaient gardiens d'immeubles, tout simplement. Mes parents sont venus en France dû à un contexte politique portugais et donc je descends de famille de musiciens. À savoir que mon grand-oncle était le plus grand musicien de Fado au Portugal, dont son nom est Martinho da Assumpção. Et puis mon grand-père, donc c'était un chef d'orchestre, et mon père c'était un musicien. Mais malheureusement, le devenir de chacun est plus compliqué, et ce qui fait que la vie a tourné autrement. Et j'ai eu la chance d'arriver dans le 16e, peut-être c'était destiné, et de cette destinée s'est transformée donc avec une planche au pied. Donc vous descendez le trottoir et vous arrivez au Trocadéro. Et c'est là, à ma surprise, que je vois donc ce que j'appelle des pirouettes. Des pirouettes sont pour moi des skateurs qui sont comme des surfeurs, sans chaussures aux pieds, pieds nus. Parce qu'il n'y avait pas d'antidérapant à l'époque. Et tout à fait. Le Trocadéro, un samedi comme les autres, c'est là que se retrouvent tous les week-ends les adeptes du skateboard. Ils sont 10 000 en France à pratiquer ce sport à la mode venu des États-Unis. Sur une planche à roulettes de 60 cm sur 20, Ils évoluent comme des poissons dans l'eau, au milieu de touristes surpris par tant d'audace. Après avoir envoûté les Américains, le skateboard a fait une entrée en force sur le marché français. C'est la consécration d'un engin tout simple, dont la génération des teenagers prétend qu'il a toutes les vertus. Voilà un engin de transport qui ne pollue pas, qui a 4 roues, et qui donne quelques satisfactions sur le plan physique et moral. Une sorte de drogue pour moi. Quand je commence à prendre beaucoup de vitesse, j'ai l'impression de voler, je suis dans les nuages, je ne ressens aucune secousse, je suis libre comme l'air, je flotte dans un coussin d'air. J'ai parfois un peu peur, mais ça fait rien. Il faut. Là, on est assis au Trocadéro, ça me rappelle bien des souvenirs. Et je suis venu avec mon longboard, Superflex et Crux indépendant. Et des grosses roues noires américaines. Et je viens de faire une petite descente là. Je suis un petit peu essoufflé, mais ça va, 60 ans, j'ai encore la santé. Joël Boismontier, brocanteur et skateur. Je crois que c'est un des meilleurs endroits de Paris en fait. On peut faire du skate parce que la configuration des lieux s'y prête très fortement. C'est deux pentes à 7%. Et à l'époque, c'était un parking, les voitures venaient se garer ici. Les conducteurs étaient assaillis en bas de la pente et ils voyaient plein de skateurs qui s'accrochaient à leurs poignées de porte. Et ils étaient fous furieux, quoi. Mais on se faisait remonter avec les voitures. Et c'était un endroit génial. Et puis après, il y a eu une explosion. Et on était tellement nombreux ici qu'on pouvait même plus skater le samedi. Ouais. Et puis après, les voitures ont eu l'interdiction de se garer. Il y a cette bande qu'on peut voir, la bande blanche, là, qui a été tirée. Mais en fait, c'était la limite. Ça veut dire qu'ensuite, la mairie a compris que c'était un endroit stratégique pour nous, les jeunes, pour faire du skate, qu'on s'épanouisse. Et donc, ils ont interdit aux voitures après de se garer ici. C'est comme les bassins qui sont au pied de la Tour Eiffel, qui sont remplis d'eau. Et j'y suis allé quand ils ont été vidés en 76. On avait commencé à faire nos premières armes, à essayer les premières courbes. Et c'était fabuleux. Mais il fallait le nettoyer parce qu'il y avait plein de limon au fond. Là, ça a été le top pour nous parce qu'en bas du trocar, on n'avait plus qu'à aller jusqu'au pied de la Tour Eiffel. Et là, on pouvait skater dans ces bassins. Et là, c'était extraordinaire aussi. Donc l'endroit est magique. Comment ça se passe, les premières expérimentations ? Ici, au Trocadéro, la première planche de skate, j'arrive pas à tourner avec. Je tombe très souvent et je rentre avec des pizzas au coude et au genou. Et ma mère comprend pas. Mais elle me laisse faire parce qu'elle voit que je suis quand même content. J'avais une grande liberté d'action, c'est vrai. Ouais, j'habitais à côté. Moi, je viens d'un milieu modeste. Mon père était plâtrier. Ma mère était employée de maison. Elle vivait dans un petit appartement. Et ils étaient fiers de moi, finalement, parce qu'ils voyaient que je réussissais, que je m'accomplissais dans une activité qui était complètement nouvelle, en fait. Le skateboard était complètement nouveau. C'était nouveau pour eux. Et puis ici, au Trocadéro, toutes les classes sociales se sont retrouvées. Je veux dire, il y avait autant des enfants de milieux bourgeois qui venaient des grands appartements dans le 16e qui étaient ici, et on s'entendait très bien parce qu'on avait une passion commune. C'est très fédérateur, ce genre d'activité, je trouve. Et puis alors là, l'avantage du skate, c'est que tout de suite, on voit comment bouge un humain. C'est de la danse, le skate, en fait. On voit tout de suite la personne, si elle est gracieuse ou pas, comment elle se déplace, si elle a du style ou pas. Il y avait des grandes asperges qui faisaient du skate, ils n'avaient aucun style, quoi. Puis il y a un code vestimentaire, il y a une façon de s'habiller et de marier les couleurs qui est très importante pour un skater. C'est ce qu'on appelait à l'époque, nous, être in dans les années 75-76. C'est-à-dire que ce soin apporté à mélanger les couleurs, des roues jaunes, par exemple, ou des roues vertes fluo avec les gants verts fluo. Enfin, vraiment, il y avait un côté noble qu'on retrouve moins aujourd'hui, je trouve, mais c'est pas grave. Regarde, il y aura du skate. Dans l'ensemble, l'été ne sera pas chaud. Il a dit qu'il y aurait des alternances de nuages et d'éclaircies sur le bassin parisien. Franchement, je pourrais me bronzer comme ça. Vous avez pas un sandwich ça, pour moi? Si, on a du food. Le succès, la consécration vient lorsqu'un jour une vieille Volkswagen Break débarque au Trocadéro. Une Passat, je crois, à Volkswagen, ouais, avec Jean-Pierre Marquand à bord. Il gare son Passat sur la descente de gauche, quand on a la Tour Eiffel derrière soi. Et il arrive avec une planche de skate. Et on essaye cette planche avec lui, et on trouve ça extraordinaire. Et après, il nous dit qu'il en vend, il en a plein dans son coffre. Ouais, et dès qu'il ouvre le haillon, il sent une odeur incroyable, quoi, une odeur de plastique injecté d'huile. Et ça, c'est fabuleux, c'est les odeurs qui restent. Et là, il me dit, voilà, il y a ces planches-là, ça vaut tant, si vous en voulez, je suis vendeur, alors donc j'en achète une. Et là, j'essaye les premières planches Banzai. C'est qui ce Jean-Pierre Marquand ? Jean-Pierre Marquand, c'est un type assez interlope. Il avait beaucoup de relations, et il avait une usine aussi, en banlieue, à Foucherolles, je crois. où il faisait fabriquer les planches bonsaï. Et puis après, il a compris tout rapidement. Il a réussi à faire le tour des magasins de jouets, notamment sur Paris et banlieue, et puis dans toute la France après. Et il a commencé à vendre ses planches. Et puis, moi, je trouve qu'il s'y est très bien pris. Et au moins, il a fait connaître le skateboard avec des planches qui étaient quand même à des prix assez accessibles pour toutes les bourses. Ça, c'était bien. Je m'appelle Thierry Dupin, je suis, si l'on peut dire, une légende du skateboard français. J'ai commencé le skate il y a très très longtemps, au tout début. Ça m'a jamais lâché en fait, c'est resté une corde à mon arc. Aujourd'hui j'ai 64 ans. Donc ce Jean-Pierre Marquand débarque un jour au Trocadéro avec une Volkswagen Break. Pas ça, grise, avec une remorque bourrée de skateboard, et on aurait dit un messie qui arrivait, parce que tous les gosses couraient derrière la voiture, attendaient qu'il s'arrête, qu'il ouvre sa bâche de remorque, et on aurait dit un marchand de glace, il vendait ses skateboards comme ça directement. C'était pas encore vraiment très très commercialisé. Hein. Moi, je me souviens qu'une fois, bon, il avait quand même accumulé quand même pas mal de billets, il allait chez le banquier avec sa mallette, on aurait dit vraiment un film, quoi, le truc de fou. Et quand il a ouvert la mallette, le banquier, il avait des yeux comme des soucoupes, il a dit okay, banco, il a eu tous les prêts qu'il voulait, et puis il a pu lancer l'entreprise, asseoir la notoriété, sa crédibilité, et c'était parti, quoi. Vous le rencontrez donc au Trocadéro et il vous embauche comme démonstrateur. Oui, c'est ça. Monteur-démonstrateur parce que pendant les temps morts, je file le coup de main à l'atelier. Donc c'était quand même aussi tout aussi sympathique. On montait des planches en quinconce jusqu'au plafond. On aurait dit des gratte-ciel. Et puis les trois quarts du temps, avec son commercial, on était sur les trottoirs. On a fait toute la France. On l'a parcouru en long, en large et en travers pour promotionner l'outil. Et après, on est parti en chasse avec l'équipe, le team, pour aller chercher, déceler des spots en région parisienne, des architectures en béton, des pyramides comme à la Courneuve, des bosses comme à Courbevoie, dans les sorties de métro avec des plans inclinés avec des briquettes, et j'en passe, tout était bon, dès l'instant où il y avait de la hauteur à gravir, et que ça roulait. On a fait nos premières télés, nos premières armes, on avait tellement fait de choses, comme par exemple des records de vitesse. Imaginez qu'à l'époque, on descendait la côte des Gardes à Chaville, une descente à 12% qui faisait 2 km de long. Le record, ça a été 93 chronos. Sans casque, sans combinaison, sans protection, en basket et en short. C'était pour, à l'époque, c'était faire 3. Et la DS avec le haillon ouvert était devant nous, il nous filmait en direct. Oui, bien voilà, Jean-Pierre Marquand, comme prévu, est en place. Il est prêt à s'élancer. Je vais lui donner le top départ tout de suite. Attention Jean-Pierre, top départ. Voilà, je me trouve dans la voiture à partir de laquelle vous recevez ces images. Je vais me contenter, en ce qui me concerne, de vous donner les vitesses affichées au compteur. Nous sommes déjà à 60 actuellement. 70. 80. 90. 100 à l'heure. Hop. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Il y a... Vous avez très certainement vu que la tentative s'est soldée par un échec. Nous allons tout de suite voir sur place. Et à cette vitesse-là, le skateboard il bouge plus. C'est comme si vous aviez un bloc de béton sous le pied. Donc on se mettait en position de l'œuf, moitié unijambiste, parce que dès l'instant où on posait le pied à l'arrière sur le skateboard, ça partait en wobble, c'est-à-dire qu'il faisait des virages gauche-droite, jusqu'à décrocher, et puis là c'était la gamelle assurée. Donc on essayait de trouver les meilleures techniques innovantes pour pouvoir atteindre des vitesses assez folles. Et on lui faisait signe, avance. Et le gars, il nous avait chronométré à 93 chronos. Ça va, Jean-Pierre ? Ça va. Ça va ? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Pierre ? Vibrations. Les vibrations ? Ouais. Rien de cassé ? Non, je pense pas. Vous aviez atteint à ce moment-là 108 km à l'heure. Ça va bien ? Ah, j'en sais rien. Ta tête a touché ? Ah, ça va, chérie. Super. Je crois que le sourire de Jean-Pierre Marquand est encore la meilleure assurance qu'il puisse nous donner. Jean-Pierre, ça a été douloureux ? Ça voulait pas s'arrêter. C'est la première fois ? Bien, Jean-Pierre Marquand a essayé de battre ce record. De toute façon, il aurait essayé de le faire sans nous. Il l'a fait avec nous. Nous avons vu que cette tentative a échoué en raison des vibrations sur le skateboard. Certains d'entre vous doivent se dire que ce n'était pas tout à fait utile, mais de toute façon, ce record aurait été battu. Nous avons suivi cette tentative, c'était aussi notre travail d'informateur. Il faut quand même que dire, à cette époque-là, il y avait 5 magazines nationaux. C'était du jamais vu, même Tennis Magazine ou Football Magazine n'avaient pas autant de supports de presse. Hein. Donc pour vous dire, dans une école, vous disiez qui ne fait pas de skateboard. Il y avait peut-être une ou deux mains qui se levaient. C'était la grande mode du moment. Et cette mode, elle a explosé en 1978. Ça a été vraiment l'année la plus dingue. À un moment donné, le ministère Jeunesse et Sport, la mairie de Paris et bien d'autres élus France entière ont commencé à s'inquiéter du phénomène grandissant de cette pratique sauvage, urbaine, désordonnée. Donc là, c'est remonté au ministère de la Jeunesse et des Sports qui ont alerté la Fédération Française de Surf, qui nous ont dit, écoutez, votre planche à roulettes, votre roll surf, vous le gérez. Donc effectivement, le skateboard a reçu l'agrément ministériel en novembre 1977 et pour faire partie intégrante de la Fédération Française de Surf, qui est devenue Fédération Française de Surf et Skateboard. Voilà. Donc à partir de là, il y a eu un circuit de compétition qui s'est mis en place. Et j'ai participé, pour rebondir, sur cette première compétition qui a eu lieu au Stadium, qui était une patinoire sèche en salle. Et puis là, le premier prix, c'était effectivement une sélection pour participer à une émission phare de la télévision. Bah, j'ai dit, pourquoi pas. Et donc il s'agissait de l'émission de Jean-Jacques Ruttmann, mis en place par Pierre Belmar à l'époque, qui s'appelait « La tête et les jambes ». Allez, on y va tranquillement. 3,60 m, c'est bon, c'est bon. Oh, 1:14.8. Venez voir là, Thierry. Pourquoi ils poussent tous des cris derrière, là? Ben, c'est le cri des skateboarders. On a inventé ça et c'est une sorte un peu un gang, c'est une bande de camarades. Chacun a son cri. Chacun a son cri. Bon, très bien. Ben maintenant, vous êtes au courant, Philippe Gildas. Alors, vous pouvez préparer le vôtre de cri si jamais vous voulez faire du skate, un de ces quatre. À vous, Philippe. Donc, vous entrez dans le show business. Ben, du coup, oui, on va dire que ben, ça m'a ouvert pas mal de portes. J'ai rencontré après Patrick Topaloff, j'ai enregistré un 45 tours Les Rois du Skateboard. Vous vous souvenez des paroles des Rois du Skateboard? Plus ou moins, oui. Chérie, viens avec moi faire un tour sur ma planche. Ma planche à roulettes, ma planche d'amour. Deux sur nos roulettes, nous, je sais plus. Enfin, c'était un truc de fou. Nous serons les meilleurs, nous serons les rois du skateboard. Chérie, viens avec moi, je t'emmène faire un tour. Sur ma planche à roulettes, ma planche d'amour. À 70 à l'heure, nous serons les meilleurs. Vous serez les rois du skateboard. Debout sur nos roulettes, nous chanterons tous en chœur. Ce qui sera demain, l'hymne de tous les surfeurs. En 1979, le skate disparaît. Il disparaît pas forcément, mais on va dire que c'est plutôt la saturation des marchés, parce qu'il y avait tellement de choix, tellement de vendeurs, de marques, de produits, de magasins. Puis à un moment donné, ça s'est lassé. C'est surtout l'effet mode qui est tombé. Donc à partir de là... Enfin, ça s'est quand même lassé d'un coup. Non, septembre 1979... À la rentrée, il n'y a plus personne au Trocadéro. Ah ben c'est ça. C'est qui a pris le relais, c'est d'autres passions, d'autres modes, comme le frisbee, comme le roller disco. Et donc en 79, fin 79, septembre 79, la rentrée, il n'y a plus personne. Il n'y a plus de monde au Trocadéro, on ne sait pas pourquoi. Les magasins commencent à fermer les uns après les autres, et ça s'arrête d'un seul coup. C'est un traumatisme de toute façon, ouais, parce qu'effectivement c'est la fin de quelque chose. Et il y a vraiment effectivement une scission importante, il y a une fin, il y a la fin de quelque chose. Mais c'est normal, c'est le phénix, c'est mourir pour mieux renaître. J'ai la sensation dans mes souvenirs que très rapidement le skate s'organise, est organisé par des gens qu'on ne connaît pas vraiment. Patrick Roult, responsable du pôle haut niveau à l'INSEP, ancien skateur. Et puis on nous dit, le skateboard c'est du saut en hauteur, c'est du slalom et c'est du freestyle. Alors le freestyle c'est une espèce de ballet sur une musique improbable où il fallait faire des figures étonnantes. C'était très chiant. Et cette activité-là pour des gamins comme nous, c'était une activité de liberté, de rue, on pouvait en faire partout, tout le temps, quand on voulait. Et à un moment donné, on s'est retrouvé contraint dans des formes qui ne correspondaient pas réellement à ce qu'on voulait faire. Et finalement, le skate perd de sa popularité au début des années 80 et la retrouve dans une version assez rebelle, anticonformiste, qui ne s'accommode pas du cadre qui a été posé par le mouvement sportif ou le ministère des Sports à l'époque tel qu'il souhaitait organiser les choses. Mais il est vrai que je me mets à la place des élus locaux. Quand vous aviez 200 ou 300 gamins qui faisaient du skateboard dans tous les sens, qui bousculaient les vieilles dames et les vieux messieurs, et qui allaient partout sur les remparts de Saint-Malo, par exemple, on a fait beaucoup de skateboard. Et je comprends les adultes qui étaient inquiets de nous voir faire les azous là, dans des endroits qui n'étaient pas prévus pour ça. José de Matos, le skate disparaît et un personnage va contribuer à entretenir la flamme. Il s'agit d'un prêtre et d'un psychanalyste. Qui est-il ? En fait, c'est quelqu'un qui devait aller à un séminaire. Il devait prendre le train à la gare de Lyon. Et il s'est retrouvé devant la gare, le train venait de partir. Et il ne sait pas quoi faire, parce que le train, c'est à une heure après. Et en se baladant, qu'est-ce qu'il voit ? Une affiche, Salon de la Bastille. Et il ne savait pas quoi faire, il est entré là-dedans. Et je me souviens d'être là en train de faire des démonstrations. Et je me souviens de ces vieux bonhommes, qui devaient avoir déjà une bonne soixantaine d'années, qui regardaient avec passion. Il attendait que je m'arrête, je me suis arrêté à ce moment-là. Et il m'a appelé discrètement... Si je pourrais vous voir, j'étais là noté que c'était un prêtre, un docteur, mais gentiment, on m'a dit que vous étiez d'origine portugaise. Et je dis oui, vous savez, je m'occupe de petits portugais à ma paroisse, et je suis fier de rencontrer un petit portugais. Et on m'a dit que vous étiez champion de France, que vous étiez le numéro un du skate en France. Je suis fier de vous rencontrer, et je ne veux pas vous déranger. Voici ma carte. Il me dit mais appelez-moi, j'insiste, appelez-moi. Mais qu'est-ce que c'est un drôle de bonhomme finalement. Eh bien le lendemain, je l'ai appelé, mais j'étais loin de me douter que c'était un grand psychanalyste qui était au 24 rue Saint-Roch. Et évidemment, au 24 rue Saint-Roch, il avait son cabinet parce qu'il habitait derrière l'église Saint-Roch, donc dans sa paroisse. Et c'est là qu'il me dit, il faut impérativement que vous passiez voir dans mon cabinet. Et oh là là, je vais me faire psychanalyser. À partir de là, eh bien j'ai découvert quelqu'un qui était fasciné par ce que j'étais. Et ensuite, il s'est rapproché de moi par amitié, et ça a été réciproque. Ensuite, donc en 79, effectivement, le skate, il dégringole, qu'à de le dire. Et c'est là que le docteur skate, donc Robert Mériou, qui me retrouve un certain soir, et je me souviens toujours de ce canapé. Alors, ce qui est bien, c'est que je ne me suis jamais allongé sur le canapé pour me faire psychanalyser. Et j'ai dit, José, qu'est-ce qui se passe ? Et là, je me suis retrouvé en train de raconter l'historique de ce que nous faisions, de ce que nous étions en train de subir. Et je lui ai dit, si on ne fait pas quelque chose, le skate va sombrer. Il me dit, c'est pas possible. Il faut que l'on fasse quelque chose. Et croyez-moi que nous en avons voulu à la Fédération de Surf et Skate, puisque ensuite, il nous fallait des subventions pour faire des compétitions. Nous avions une subvention, mais c'était au prorata des licenciés. Il y avait comme subvention un cheval, une alouette. C'était les mots du docteur Skate de Robert Mériou. Il m'a dit, il faut impérativement que l'on se mette en relation avec les uns les autres. Et j'ai dit, oui, parce qu'il n'y a plus de relation. Et c'est à ce moment-là donc, qu'il a dit, voilà, j'ai une idée, je vais acheter une rhénotypeuse, et, parce qu'à l'époque, les photocopieuses n'existaient pas, et je vais commencer à faire un petit prospectus. Un fanzine, en fait, avant l'heure. Un fanzine, voilà. Alors, chacun passait chez lui, il apportait sa petite idée. Ah, y a-t-il une compète ? Faut le marquer. Quel est l'événement ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Etc. Et on a commencé à les distribuer, gracieusement, parce que ça sortait de sa poche quand même. Et petit à petit, on s'est fait un listing, taper à la machine à écrire, de toutes les adresses et de tous les skateurs. Survivants. Survivants. Et à chaque fois, tous les mois, on faisait le point, on remplissait donc cette feuille et on mettait dans une enveloppe pour prévenir les skateurs qu'à tel jour et telle heure, il y aura une compétition. Et on se retrouvait, et petit à petit, les relations ont repris. Et c'est après que, donc, dans ce petit feuillet, à l'époque, on l'appelait donc le skate info, qui a permis de propulser l'information à travers la France et l'étranger. Pourquoi il faisait ça, Mériou ? Pourquoi il faisait ça? Parce qu'il y croyait à la flamme du skate. Parce qu'il avait... Enfin, un curé psychanalyste qui croyait au skateboard, c'est pas commun. Alors, c'est pas commun, mais la seule différence, c'est croire au skateboard est une chose. Mais croire à la jeunesse, c'en est une autre. Et c'était sa vocation, comme tout prêtre, de sortir quelqu'un du malheur, quelqu'un des difficultés, quelqu'un d'humain. Il faut aller au-delà avant, il faut y croire. C'était quelqu'un de foi. Quand on a connu la période entre 1980 et 1984, où tous les gens disaient quoi, tu fais encore du skate, etc., etc. Jean Théris, et que, skateur. Et qu'on avait honte quand on se déplaçait avec le skate, on le mettait dans un sac pour pas que les gens le voient, etc. Je pense que c'est un peu survivaliste. Comme ça n'intéressait plus personne, et que quand on skatait, on était vu comme des extraterrestres, on était marginalisés de fait. Donc, ça allait très bien avec l'émergence de tout un tas de groupes et de musique punk, hardcore, etc. Donc, bon, évidemment, ça m'a intéressé, surtout qu'une partie des membres de ces groupes faisaient eux-mêmes du skate. Je pense par exemple à Henry Rollins du groupe Black Flag, qui avait une photo de lui en train de skater dans Thrasher. Ça m'a beaucoup marqué. Donc, c'est un peu comme si le punk rock et le skate s'étaient serré la main. Et pour moi, c'est resté comme ça. J'aime les scènes qui se créent elles-mêmes, qui ne dépendent de personne. Et quand ça plaît aux gens, bah tant mieux, ça veut dire que soit on ramasse de l'argent, soit les choses deviennent plus faciles, comme avec le skate. Tout à coup, on a plein de skateparks, c'est bien. Et quand ça redevient marginal parce que c'est cyclique, bah ça n'a pas d'importance, puisque tous ceux qui n'ont rien à y faire, bah ils dégagent d'eux-mêmes. Donc c'est toujours gagnant. I got a six pack and nothing to do. I got a six pack and I don't need you. C'était Skate de la rue aux JO. Premier épisode, les tontons skateurs. Un documentaire de Raphaël Kraft réalisé par David Jakubowiec. Avec Jean Théris, Justine Bobotte, Claude Kerel, Raphaël Zarka, Patrick Roult, Claire Calogiroux, José de Matos, Joël Boisgontier et Thierry Dupin. Documentation Annelise Signoret, mixage Éric Villenfin, archivina Pierre Pinault, attaché de production Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales, coordination Perrine Kervran. Collection mécanique du vivant, saison 4, l'abeille. Il y a environ 1000 espèces d'abeilles en France. L'abeille à miel, Apis mellifera, est de loin la plus connue et la plus surveillée. Elle est essentielle à nos cultures. Les abeilles pollinisent près de 90% des plantes sauvages. Elle est trois quarts des cultures dans le monde. Mécanique du vivant, saison 4, l'abeille. Un podcast de Marc Mortelmans, réalisé par Charles Trou sur franceculture.fr et l'appli Radio France.